Ce soir, nous saluons encore l'Église dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. I mangaribi tunasalimia tena kanisa mujina damani na Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Le frère Modeste. Nduku Modeste. Il est le pasteur de l'assemblée de Kamasaka Lubumbashi. Ni pasteur wa makutano ya Kamasaka Lubumbashi. Il vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Alemisalimia mujina Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule à notre prédication. Leo toka mkato kwa mahubiri yetu. De manière que si Dieu le permettait, munamna ya kusema kama Mungu anaturuhusu, le dimanche on puisse parler d'autres choses. Dimanche tupate kusema vitu vingine. Sommes en train de montrer la véritable église du Dieu vivant. Tuko naonesha kanisa kweli ya Mungu mwenye kuwa hai. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Tunesha kusema habitu ya mingi. Nous avons parlé de la première identification. Tulisema njua kitambulisho kia kwanza. La deuxième. Kia piri. Et la troisième, c'était le message de la véritable église. Na ya tatu likuwa ni ujumbe ya kanisa ya kweli. Et dans ce message-là, na, ndani ya ile ujumbe, nous avons montré que le premier message, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tunaonyesha kwamba ujumbe ya kwanza ni Yesu ule mwamwa jana, leo na hata milele. Le deuxième, c'est le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. Na ya pili ni ubatizo mumai ya mingi mujina Yesu Kristo. Le troisième, c'est la repentance. Na ya tatu ni kutubu wala toba. C'est ce qu'on a parlé hier. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. Timothée wa kwanza sura yake ya 3 mstari yake ya 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na kuandikia bitu na tumaini ya kusema sasa ninakuwa kwako. Mais afin que tu saches si je tarde, lakini kusudi upate kujua kama nakawia, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, namna kani nafaa kujongoza mnyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, yenye kuya kanisa ya Mungu mwenye kuwa hai, la colonne et l'appui de la vérité, nguzo na tegemeo ya ukweli. Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Du fond du cœur, nous te disons merci. Katika upana mamio yetu, tunasema asante. Tu nous as donné un bon moment. Utupatia wakati mzuri. Que ton nom soit loué. Jina lako lisifiwe. Bénis chacun d'entre nous. Bariki la moja wetu. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Place sur ma langue de paroles de vérité. Weka palurimi yangu maneno ya ukweli. Nous chassons tous les démons au nom de Jésus-Christ. Na tunafukuza mademona yote mujina Yesu Kristo. Guéris les malades. Ponya wagonjwa. Pourvois aux besoins des nécessiteurs. Utayarishe kwa mahitaji wale wanahitaji. Nous croyons que tu le feras. Tunaamini ya kusema utaifanya. Parce que nous te prions ainsi par la foi. Sababu tunakuomba hivi kwa imani. Dans le nom merveilleux. Mujina damani. Qui est au-dessus de tout nom. Yenye kuwa yule wa majina yote. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jina la Bwana na mukombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous assoie. Et aujourd'hui, nous verrons le quatrième message de la véritable église. Na leo tutaona ujumbe aine ya kanisa ya kweli. Parce qu'hier, nous avons montré que jana tulionyesha kwamba la véritable église ne prêche pas comme toutes les autres églises. Kanisa ya kweli ya Mungu haihubiriaki sama kanisa yote. Elle a un message spécial. Yo iko na ujumbe ya kipekee. Et son message est un message biblique. Na ile ujumbe ni ujumbe ya Biblia. C'est pourquoi, bien-aimé, tout enseignement qui ne vient pas de la Bible, il est faux. C'est vrai. Même si c'est un prophète, même si c'est quelqu'un qui est représentant d'une grande congrégation, mais si ce qu'il dit nasema, et ce qu'il enseigne na bile fundisha, ne vient pas de la Bible, abitoke mu Biblia, cela est faux. Ile mambo ni ya bongo. C'est vrai. Nikweli. C'est pourquoi la véritable église, son quatrième message, c'est la guérison divine. Bien-aimé, nous croyons dans la guérison divine. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Quand vous tombez malade, peu importe la maladie, n'allez jamais consulter les devins. Bien mes frères, les devins sont des menteurs. Et Satan lui-même est un menteur. C'est pourquoi, avec tout l'amour que nous avons envers vous, n'allez jamais consulter les devins. Ne demandez même pas leur adresse. Il habite où? Son adresse c'est où? La Bible dit, ne les recherchez même pas. Il est écrit dans Lévitique au chapitre 19. Nous sommes au verset 31. Lévitique 19:31. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits. Ni vers les devins. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Ne recherchez jamais les devins. Ce sont des menteurs. Et dans l'Ancien Testament, quand vous lisez dans Deutéronome au chapitre 18, du verset 9 au verset 10, c'est une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Dieu leur a dit, quand vous prendrez possession du pays que je vous donne, au milieu de vous, qu'il n'y ait personne qui exerce le métier de devin, ni de magicien. Dieu avait déjà défendu cela depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi, frère, tous ces gens que vous voyez sillonner dans des avenues qui s'appellent prophètes, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des devins. Aina banabi ni bamufumu. Je vous dis la vérité. Ce sont des mendiants. Ni batu bakalomba. Il n'a pas à faire. Il prend la Bible. Alors qu'il est un devin. Il parle au nom de la Bible. Ce sont des menteurs. Et je vous dis la vérité, Satan est un menteur. Il est écrit dans Jean. Au chapitre 8. Nous sommes au verset 43. Le Seigneur parle aux pharisiens. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient point dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, Congo. Il parle de son propre fond. Et qu'on a sema na mupana yake. Car il est menteur. Sababu yeye mudanganifu. Et le père du mensonge. Nanjo baba wa bongo. C'est oui et amen. Hii ni ndio na amina. Satan était menteur. Shetani ni mudanganifu. Et si lui était menteur. Na kama yeye ni mudanganifu. Comment les devins peuvent-ils parler la vérité? Namna kani ba mufumba na Yesu kusema bya kweli. Il te dira, je te vois là où tu es. Cette maladie que tu as. Il est malade ou kunayo. C'est ton oncle. Ni muyomba yako. Il t'a ensorcelé. C'est ta grand-mère. Ni mama yako, makambo yako. Elle t'a ensorcelé. Tu en as kuloka. Et d'ailleurs là où tu es. Japo pale wiko. Ton oncle t'a déjà bouffé toute la tête. Muyomba yako asha kure kichwa yako kyote. Je te vois là, tu n'as pas de tête. Mina kuona pale una na kichwa. Voyez, c'est un mensonge. Mone, shiri bongo tu. C'est pourquoi nous ne croyons pas les futilités des dénominations. Ima michezo ya mazebu, ça, c'est un enseignement des groupes de prière. Ile, ni mafundisho ya makundi ya maombi. Mais nous ici, nous ne sommes pas un groupe de prière. Lakini si hapa, tuna kundi ya maombi. Nous sommes l'église. Si tu kanisa. Amen. L'église, le groupe de prière commence par la prière. Makundi ya maombi yoy inaanzaka mbele na maombi. Il se fabrique la prière. Baranza me maombi maombi. Il jeûne. Baranza kufunga chakula. Il chante. Baranza kuimba. Il commence un mouvement. Et puis kamandamano mofulani. Il lui baptise un nom. Kisha wanaipatia njine ile mandamano. Et il veut donner cela à Jésus. Na manapenda ile baikaburie kwa Yesu. Comme étant l'église de Jésus. Sawa kanisa Yesu Christ. Chers frères. Banduku bapende. L'église ne commence pas par la prière. Kanisa yanzake na maombi. L'église commence par la parole. Kanisa inanzake na neno. C'est vrai. Depuis quand un sorcier peut manger la tête des gens? La sorcellerie, c'est un esprit. Et l'esprit ne mange pas. Je vais vous dire ceci. Quand quelqu'un meurt, cher frère, le corps va rentrer à la poussière. Depuis quand tu as déjà vu un homme à moitié quand il meurt? Wakati kani mshaka onaka mtu akipande na kufu. Il n'a pas de tête. Ana na kichwa. Oui, il n'a pas un bras. Wala mukono mwa bashai kura kubuloji. Pour dire que c'est ce que les sorciers ont mangé. Just enjoy wa kura kubuloji. Frère. Nduku. Ça ce sont des bêtises. Hii ni mapumbafu. Quand l'homme meurt, wakati mtu anakufa, le corps rentre à la poussière. Mwili yake narudia kwa mavumbi. Et son esprit, na ho yake, s'il était un chrétien, kama alikuwa mkristo, son esprit va au paradis. Nafsi yake inaenda kuparadiso. S'il était un païen, kama alikuwa mpagano, il va en prison. Anaenda mfungwa. Maintenant les sorciers mangent quoi? Sasa ni kinini pabile baloji wanakuriaka? Nous ne croyons pas aux sorciers qui mangent les gens. Si atuaminake baloji bakuria batu. Et ne croyez jamais ça. Na mshaminake kamwe ile. Amen. Ah. Je vous dis la vérité. Niambia ukweli. Même la mort. Ata lufu. Si toi tu meurs, ce n'est pas un sorcier qui t'a ensorcelé. Si tu meurs, c'est Dieu qui l'a voulu. Un point terminé. C'est vrai. C'est pourquoi en Jésus ne craignez rien. Marchez avec assurance. Nous avons le Dieu des promesses. Tukona Mungu wa malako. Et nous avons la parole des promesses. Na tukuna neno ya malako. Et nous-mêmes, nous sommes enfants de la promesse. Na shibenye tukuba toto ya malako. Et les promesses de Dieu. Na malako ya Mungu. Sont des promesses infaillibles. Ni malako ayangukake kamwe. Moi, un homme, je peux te promettre quelque chose. Mie mutu minezu kulaka kitu kimoya. Mais je peux changer. Minezu badilisha ile mambo. Mais pas Dieu. Na lakini Mungu haina vile. Quand Dieu promet. Wakati Mungu analaka. Il a accompli la chose. Nous avons le Dieu des promesses. Et dans sa parole, il a dit, dans Psaume 103, Muzaburi, miyamoya natatu. Psaume 103, Zaburi, miyamoya natatu. Mon âme, Musakia kwa nafsi yangu. Béni l'Éternel. Inabariki wa milele. Que tout ce qui est en moi. Na bile beote yokuwa biyangu. Bénisse son saint nom. Bibariki jina lake takatifu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même toi, mon frère, même toi, ma sœur, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, ce sont des bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous dis la vérité. Le souffle de vie qu'il t'a donné aujourd'hui, c'est un bienfait. Même ce moment-là que Dieu t'a donné pour venir écouter sa parole, c'est un bienfait. C'est vrai. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui Dieu. Qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que vous le croyez? Notre Dieu pardonne toutes nos iniquités. Peu importe l'iniquité que vous avez. Peu importe le péché que vous avez, notre Dieu pardonne toutes nos iniquités. C'est pourquoi ne vous découragez jamais. Même s'il arrivait que vous tombiez, ne restez pas étendu là-bas. Relève-toi. Notre Dieu pardonne nos péchés jusqu'à ce soir. Bien aimé, c'est normal de tomber. Niko kawaida kuanguka. Même dans la chair, ata mumwilu, dans le naturel, mwasili, tu peux glisser, unaweza kuteremuka, teremzika, na unaanguka. Est-ce que tu vas rester là? Et utakia paka pale unaangukia. Tu vas te relever. Utaanguka. Tu enlèves la poussière. Unalipumputa mvumbi. Et tu t'en vas. Na unaanza kuendelea safari. Même dans le spirituel, vile vile na mukiro, c'est normal que tu puisses tomber. Inaweza kufikia kawaida kuanguka. Mais ne reste pas étendu là-bas. Lakini hapana kubakia mwenye kunyoloka pale. Notre Dieu n'aime pas la vie de péché. Mungu wetu apenda ke maisha ya zambi. Mais quand tu tombes, Kana relève-toi. Nambuka. Et continue la marche. Na endelesha safari. Seul, tu ne peux rien. We mwenyewe hautawezaka kintu. Mais celui qui t'a appelé est fidèle. Na lakini ule alikuita yeye ni mwaminifu. C'est lui qui va le faire. Na yeye atafanya vile. Notre Dieu pardonne nos iniquités. Mungu wetu anarumia maovu yetu. Et notre Dieu guérit toutes nos maladies. Na Mungu wetu eko na tuza na gonjwa yote. C'est pourquoi je vous ai dit, nous n'avons pas un évangile pour nous donner la peur, mais nous avons un évangile qui nous donne la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Notre Dieu guérit les malades. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 53. Nous sommes au verset 5. Mustari yake ya tano. Commençons au verset 4. Vas-y, mustari yake ini. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jap, ni mateso yetu njo alijitwika. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ni maumivu yetu njo alibeba. Et nous l'avons considéré comme puni. Na tulimwona sa mwenye kuapizwa. Frappé de Dieu. Mwenye kupigwa na Mungu. Et humilié. Na mwenye kufezereshwa. Mais il était blessé pour nos péchés. Lakini aliumizwa juu ya mazambi yetu. Brisé pour nos iniquités. Mwenye kufunjwa juu ya maovu yetu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Na mapigo ile tupatia salama ilianguka juu yake. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Na ni kupitia vidonda vyake ndio tunashapokea matunzo. Oh, la parole de Dieu c'est une parole de promesse. Neno la Mungu ni neno la malaku. Il était blessé pour nos péchés. Alipigwa juu ya mambo zake. Le châtiment qui nous donne la paix. Na mapigo ile tupatia si salama. Était tombé sur lui. Ilianguka juu yake. Et c'est par ses meurtrissures. Na ni kupitia vidonda vyake. Que nous sommes guéris. C'est oui et amen. Il est l'indio na amina. Jésus, c'est le Dieu véritable. Yesu ni Mungu wa kweli. Et il tient sa parole. Na eko na shika neno lake. Je vous dis la vérité bien. Na kweli. Et dans Malachi chapitre 4, il est écrit. Na Malachi sura ya 4 imeandikwa. Du verset 1 au verset 2. Mstari wa kwanza paka ya pili. Car voici le jour vient. Kwani tazama siku nakuja. Ardent comme une fournaise. Ya yakuwa moto sa tanuri. Tous les hautains. Bakiburi boti. Et tous les méchants. Na batu wote wabaya. Seront comme du chaume. Batakuwa sawa makapi le wala majani. Le jour qui vient les embrasera. Ile siku nakuwa itawateketeza. Dit l'Éternel des armées. Ndivyo Mungu wa majeshi anasema. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Akutabakia hata litawi wala mzizi. Mais pour vous qui craignez mon nom. Lakini kwa mwe mulongopa jina langu. Est-ce que vous craignez le nom du Seigneur? Et mulongopa jina Bwana. Pour vous qui craignez mon nom. Kweli mwe mulongopa jina. S'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Et sous ses ailes, il y a la guérison. C'est pourquoi, bien-aimé, selon la parole de Dieu, le salut de nos âmes okofu ya manafsi yetu et la guérison de nos corps na matunzo ya mwili yetu font partie d'une même œuvre. Iko mule kazi moya moya. L'œuvre de la croix. Kazi ya msalaba. Par la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Kupitia kazi ya Yesu Kristo tunashaokolewa. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Na kupitia vidonda vyake tunesha kutunzwa. Oh bien-aimé. Oh apendo. Toi qui es venu ce soir malade. Wori kwa mgonjwa imangaribi. Écoute la parole de promesse. Sikia maneno ya malako. Qui doit te donner la foi. Ile itakupatia imani. En Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dari Yesu Kristo mwa kwa mwa mwa chana leo na hata milele. Hier il a sauvé. Chana alioko. Aujourd'hui il sauve. Leo tena yuko na oko. Et demain il va sauver. Na kesho ataokoa tena. Hier il a guéri. Chana alitunza. Aujourd'hui il guérit. Leo yuko na tunza tena. Et il guérira éternellement. Na atatunza tena milele. C'est vrai. Ni kweli. Notre Dieu guérit les malades. Mungu wetu anatunza ma magonjwa. Même sur les lits d'affliction, ata mukitanda ya mangaiko, ne perds jamais la foi. Apana kosa imani. Ne perds jamais la Ushipoteshe foi. Imani. Bien-aimé, apendo. Notre Dieu va te consoler même sur les lits de malades. Mungu wetu atakufariji ata mukitanda ya magonjwa. Il est écrit dans Psaume 41. Imeandikwa Muzaburi makumi ine na moja. Psaume 41. Zaburi makumi ine na moja. Verset 2. Musakia. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Baeri, bale beko nangaria kwa mashikini. Au jour du malheur, Chukaole. L'Éternel le délivre. Wamilele kuna makomboa. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Wamilele eko na chunga na bachungia kwa uzima. Il est heureux sur la terre. Niwaeri pa dunia. Et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Na aumwache juba adui yake bafurahi. L'Éternel le soutient. Wamele kwa saidia. Sur son lit de douleur. Ata mkitanda yao wa maumivu. Tu le soulages. Eko na mfariji. Dans toutes ses maladies. Mumagonjwa yake yote. C'est pourquoi ne consultez jamais les devins. Joko mana mushende kamo kwa mifumu. Voyez comment notre Dieu nous donne la promesse. C'est une parole qui doit nous réconforter. Et c'est une parole qui doit nous donner la foi. Même sur le lit de malades. L'Éternel va te soutenir. L'Éternel va te consoler. L'Éternel va te guérir. Bien-aimé. Il a marché avec Israël pendant 40 ans. Dans le désert. Il n'y avait pas de pharmacie. Il n'y avait pas la régie des eaux. Il n'y avait pas de magasin. Ni hôpital. Voilà mon hôpital. Mais aucun d'entre eux n'a été faible. Même les habits qu'il portait, la Bible dit, il n'était pas usé. C'est pour vous dire que notre Dieu rend possible ce qui est impossible. Même leurs pieds n'étaient pas gonflés pendant les 40 années. Parce que notre Dieu pourvoit tous nos besoins. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. L'Éternel qui nous guérit. Wamilele ule tutunza. Jéhovah Jireh. Wamilele Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Wamilele ule natangura kututayarishia. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Wamilele eko hapa. Même ce soir. L'Éternel est ici. Wamilele eko hapa. C'est vrai. C'est pourquoi vous qui êtes venus malades. Bien-aimé. Ton Dieu guérit toutes les maladies. Mungu wako anatunzake magonjwa yote. Il n'y a aucune maladie. Hakuna magonjwa tamoya. Dont Jésus peut dire. Ile Yesu anaweza kusema ako. Celle-ci je peux guérir. Hii mimi naweza kutunza ako. Mais celle-là je ne peux pas guérir. Sitaweza kutunza. Jamais. Aya kuyaka. La Bible dit. Biblia sema. Il guérit toutes les maladies. Anatunzake magonjwa yote. Peu importe le nom de la maladie. Aizuru chile na basi pachele magonjwa. C'est pourquoi nous prêchons la guérison divine. Kwa maana et nous croyons en la guérison divine. L'Éternel nous guérit. Chers frères, voyez la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit, elle a consulté beaucoup de médecins. Elle a dépensé tout son bien. Sans succès. Mais un jour, il a entendu parler du docteur qui est au-dessus de tous les docteurs. Bien-aimé, Jésus c'est un médecin sans bisturi en main. Je vous dis la vérité. Il n'a pas de filature. Il était entouré d'une grande foule. Mais cette femme n'avait pas la possibilité de voir Jésus. Mais par la foi, sa propre foi lui a dit, même si tu ne le vois pas, mais touche seulement sa robe. La femme s'est faufilée. Elle s'est profilée par la foi. Elle a touché la robe de Jésus. Et au même instant, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. Et elle a senti qu'elle était guérie. Et le Seigneur Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Donc, ça avait dépassé la tête des disciples. Pierre récupère la parole et lui dit, Maître, tu es entouré de beaucoup de gens. Tout le monde te bouscule. Comment tu peux demander qui m'a touché? Jésus dit, qui m'a touché? Nani anenibamba? Cher frère, la façon dont toute la foule le touchait, ce n'est pas la façon dont la femme l'avait touché. Même toi ce soir, tous nous pouvons venir ici. Mais chacun connaît la façon dont il est venu. Oh, il faut que Dieu t'aide. Il a fait Mungu akusaidie. Bien-aimé, la femme a tremblé. Il dit, Seigneur, c'est moi. C'est bon, ni mille. Voilà ce qu'il y a eu. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Imani yako inakokoa. Vas en paix. Wende na salama. Notre Dieu guérit, mais par la foi. Mungu wetu anatuzaka, lakini kwa imani. La foi, c'est une révélation. Imani ni ufunuo. La foi voit ce que l'œil ne voit pas. Imani inekaraka mukona bile macho ayone. Je vous dis la vérité. Voyez la femme syrophénicienne. Mwanamke syrophénicienne. qui avait une fille qui était tourmentée par les démons. Elle est allée vers Jésus. En train de crier. Fils de David. Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Chers frères, je voudrais que vous remarquiez une chose. Quand la femme criait, Jésus ne répondait pas. Il s'en allait. Et ses disciples lui ont dit, Maître, chasse-la derrière nous. Elle fait beaucoup de bruit. Chasse-la. Et Jésus s'en allait sans rien dire. Mais la foi de la femme lui disait, même s'il reste calme et qu'il ne répond pas, va de l'avant. C'est ça la foi. La foi ne connaît pas d'obstacle. Fille de David, mais aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'était difficile. Ça pouvait décourager la femme. Mais la femme n'a pas regardé à ça. Mais sa foi lui disait, va de l'avant. Fille de David. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. Bien aimé, ce n'était pas facile. Hein? C'est comme si la femme était considérée comme un chien. Mais la femme, par révélation, elle a répondu, elle a dit, Seigneur, ce que tu dis là, c'est vrai. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. C'est juste. Mais pardon. J'ai toujours remarqué. Quand le patron est en train de manger avec ses enfants, les petites miettes là qui tombent, les petits chiens s'en servent pour manger, non? Jésus regarde la femme. Lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et au même instant, sa fille fut guérie. Jésus guérit les malades. C'est pourquoi je vous dis ceci ce soir. N'appelez jamais une maladie comme ta propre maladie. Ne t'approprie jamais une maladie. Non. La maladie vient de Satan. Ce n'est pas ta maladie à toi. Ma maladie à moi ici. Ma maladie à moi ici. Non. Viens à Jésus. Kuya kwa Yesu. Le grand médecin qui a opéré Adam en Eden sans bistouri et il a fait ressortir sa femme et il a refermé la chair sans cicatrice. Ce qu'il avait fait en Eden, il l'a fait dans le Nouveau Testament. Oui, Dio. On est venu arrêter le Seigneur Jésus. Une grande foule. Batu mingi avec des bâtons. Na mamichi, avec des flambeaux. Na mamoto kumikono, ils arrivent auprès du Seigneur. Banafika kando kando wa Bwana. Jésus s'élève. Yesu anashimama. Il leur pose la question. Ane bauliza, qui cherchez-vous? Mukuna tafuta nani? Il dit, nous cherchons Jésus. Jato tafuta Yesu. Ils sont reculés. Et ils sont tombés. Frère, Jésus, c'est une puissance. Quand ils se sont levés, Jésus demande encore, mais qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus. Il recule encore. Il tombe. Si Jésus n'avait pas voulu qu'on l'arrête, kama Yesu asikupenda ke bamubambe, il n'aurait pas arrêté. Abapasha mbamba. Il s'est laissé faire. Arijachiria. Pour toi. Juu yako. Et pour moi. Na juu yangu. C'est vrai, mes chers frères. Et quand Pierre a vu ce mouvement, na wakati Petro anone le mambo, il a sorti son épée. Anatosha kipanga yake. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Anakata risikio askari moye. Jésus lui dit attention. Yesu ambia, ke bange Petro. Quiconque tu par l'épée périra par l'épée. Yoyote na uwa kwa mupanga, atakufa kwa mupanga. Et Jésus, na Yesu, en tant que Jéhovah de l'Ancien Testament, zakali, il a ramassé l'oreille, analokote le risikio, il l'a remise à sa place, anerudisha pa fasi yayo, et l'oreille a collé sans fil à suture. Na risikio inalamata bila kuishona na nkamba. Ce que Jéhovah a fait dans l'Ancien Testament, ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, c'est vrai, mes chers frères, nous sommes dans le bon, nous sommes dans la vérité. Je vous dis la vérité, notre Dieu guérit les malades. Mais attention, il y a des maladies qui arrivent, hein? Si réellement tu es fils de Dieu, il y a des maladies qui arrivent comme un fouet de Dieu pour te ramener à l'ordre. C'est pourquoi en tant que croyant, quand vous tombez malade, on prie pour toi sans succès. On prie pour toi sans succès. Contrôle la vie. Il est écrit dans Jacques au chapitre 5. Jacob 5. Jacques chapitre 5, Jacob, sura kiatano, le verset 15 à 16. Mustari yake ya 15 pa 16. La prière de la foi sauvera les malades. Maombi ya imani itaokoa wagonjwa. Et le Seigneur le relèvera. Na Bwana atebalamusha. Et s'il a commis des péchés, na kama mugonjwa alitenda zambi, il lui sera pardonné. Itamsamehewa. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Mukiri basi mazambi yenu pamoja na wengine. Et priez les uns pour les autres. Na muombeane pamoja na wengine. Afin que vous soyez guéris. Kusudi mupokee matuzo. La prière fervente du juste, maombi ya mwenye haki, a une grande efficace. Iko na matokeo mkubwa. Il y a des maladies qui demande la confession des péchés. C'est pourquoi hier je vous ai dit, ne cachez pas un péché dans votre cœur. Ça peut vous attirer un malheur. Le prophète Branham, dans son message, la démonologie, mujumbe yake mademona, kujifunda mademona, domaine physique, kazi ya mwili, au paragraphe 19, nukta yake ya 19, il est dit ceci. Asema hivi. Or, toute Jap. Maladie, magonjwa yote, nous devons d'abord constater, tunapashi kwanza kuona, que toute maladie est venue du diable. Ya kwamba magonjwa yote ilitokea ni kwa shetani. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mungu ana mwanzisho wa magonjwa. Aucune maladie ne vient de Dieu. Hakuna magonjwa tamu yanatokea kwa Mungu. Parfois, sa zingine, Dieu permet que Satan, Mungu anarusaka shetani, vous inflige une maladie, akutwike magonjwa moya, comme un fouet, sawa malipizi. Wala fimbo. Pour vous ramener à la maison de Dieu, quand vous avez désobéi, wakati murito kuti, comprenez bien la chose. Mweleo mzuri kitu. Dieu Mungu peut permettre que Satan anaweza kumruhusu shetani vous inflige une maladie akutwike magonjwa moya comme un fouet sawa fimbo. Quand vous avez désobéi, wakati mnakosa kuti, pour vous ramener à la maison de Dieu, ou pour vous ramener à l'ordre. C'est pourquoi il faut vérifier deux avortements. Mamimba mbili natoka. Trois avortements. Mimba ya tatu natoka. Contrôle la vie. Angaria maisha yako. Dieu a dit à Israël. Mungu anambia Israel. Je vous guérirai. Mite mitunza. Et parmi vous. Na katikati yenu. Il n'y aura pas de femmes qui avorteront. C'est la promesse que Dieu avait donnée à Israël. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est une exhortation que je te donne. C'est un conseil que je te donne. Quand il arrive que tu tombes malade et que la maladie persiste, contrôle la vie. Même si ce n'est pas un fouet, ça peut être une épreuve. C'est vrai. C'est pourquoi notre Dieu aime que nous puissions marcher dans l'ordre avec sa parole. Bien qu'il est notre médecin, l'appendice que vous avez, myome, hernie, frère, ce sont des noms que les médecins ont donnés. Ni manjina ile ba munganga baripatia ile magonjo. Mais ce sont des démons. Mais lakini kwa kweli ni mademona. Et notre Dieu na Mungu wetu nous a donné le pouvoir. Alitupatia uwezo de chasser les démons. Ya kufukusha mademona. Dieu nous guérit de plusieurs manières. Mungu alitutuza mumanamna ya kuachana chana. C'est ce que je suis en train de lire ici. Je napenda kusoma hapa. Dans il prend soin et vous. Mumahubiri eko ne tuangaikia. Sasa mweye 44. Yake, makumi ine na ine. Et nous croyons que les médecins assistent les gens. Tunaamini kwamba ba munganga banekaratu kusaidia batu. C'est vrai. Ni kweli. Les médecins ne font qu'assister. Ba munganga banekaratu mkusaidia. Je crois que Dieu guérit. Naamini kwamba Mungu eko natunza. Par les médicaments. Kupitia madawa. Dieu guérit. Mungu anatunzaka. Par la chirurgie. Kupitia kupasuriwa. Dieu guérit. Mungu anatunza. Par la compréhension. Kupitia kuelewa. Comprenez bien la chose, frère. Mwelewa mzuri mambo. C'est que même ce soir. Sema atai mangaribi. Lorsque nous sommes en train de prêcher que Jésus guérit les malades. Wakati unahubiri sema Yesu anatunza wagonjwa. Si tu comprends ça par la foi. Kama unaelewa imamo mzuri kwa imani. Même sans imposition de main. Ata bila kukwekea mikono. Tu sortiras d'ici guéri. Utatoka hapa mwenye kupona. Je te dis la vérité. Notre Dieu, il faut l'expérimenter. Mungu wetu inafadhali kumuonja. Et nous devons le tenir au mot. Na tunapaswa kwanza kumwambia Mungu wetu kumisemo yake. C'est vrai. Il guérit par la compréhension. Et onatuza kupitia kuelewa. Dieu guérit par l'amour. Mungu eko natunza kupitia mapendo. Un frère qui est malade. Duku mwe kumgonja. Une sœur qui est malade. Dada mwe kumgonja. Mais nous lui montrons que nous l'aimons. Mais tunonesha mapendo yetu kwake. Nous partageons cette douleur avec lui. Duku nagawanya ile maumivu yake na shida. Et quand il verra que. Wakati ule mtu atona kusema. Mes frères compatissent avec moi. Bandu kwangu beo nasikia ile maumivu niko nayo. Dieu peut le guérir. Mungu anaweza mtu. Voyez, Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par les miracles. Dieu guérit par sa parole. Dieu guérit. Mungu eko natunza. Quelle que soit la source. Aizuru chemu chemu wala mwanzo ya magonjwa. Dieu guérit. Mungu anatunza. C'est pourquoi nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Non, si à tout n'a pas témoin de Jéhovah. Qui refuse la transfusion sanguine. Bale mena katala kumwe kuweka mutu damu. Ni l'apostolo. Voilà l'apostolo. Qui n'aime pas prendre le médicament. Bala apende kunya dao. Non, c'est faux. Il y a bongo. Aller à l'hôpital, ce n'est pas un péché. Wenda kopital aina zambi. Mais nous croyons que notre Dieu guérit. Mais tunaamini kusema Mungu wetu. Même par les médecins. Ataba munganga. C'est Dieu qui leur donne cette intelligence. Ni Mungu jo apachake ile akili ya kufabile nafanya. Voyez. Munaona. C'est pourquoi bien aimé. Tukamana pendo. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Christ. Nous croyons en la guérison divine. Jie tunaamini mumatuzo ya kimungu. Maintenant. Sasa. Comment nous devenons membres de la véritable Église? Du Dieu vivant. Ici, je voudrais que vous compreniez une chose. Comment nous pouvons devenir membres de la véritable Église? Voyez dans ce tabernacle physique. Pour être membre de ce tabernacle chrétien de Kambove, une église visible, vous assistez l'église. Par vos présences régulières, par vos dîmes et par vos offrandes. Et vous supportez la cause de l'Église. C'est comme ça qu'on devient membre du tabernacle physique. Mais dans la véritable Église du Dieu vivant, on devient membre. C'est par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est alors que nous devenons membres de la véritable Église. Tous les frères qui sont ici, toutes les sœurs qui sont ici, peut-être parmi nous, il y a 5 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. C'est un exemple que je donne. 5 frères à Kambove, 2 sœurs, 10 sœurs à Likasi, 50 en Amérique, 40 en Asie. Tous ces gens qui sont baptisés du Saint-Esprit sont membres de cette église invisible. L'église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est l'assemblée des premiers-nés. Ils sont justifiés par la foi. Ils sont sanctifiés par la parole. Ils sont baptisés du Saint-Esprit par l'obéissance à la parole. Ils forment l'assemblée des premiers-nés. La véritable église que Jésus viendra enlever. Chers frères, ne soyez pas seulement membres de Kambove Tabernacle. Non. Jésus ne viendra pas enlever les membres du tabernacle. Jésus vient enlever les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si l'église comprend la chose. L'église, c'est l'assemblée des premiers-nés. Comme il est écrit dans Hébreu, le chapitre 12, le verset 22, c'est l'assemblée des premiers-nés, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Ma sœur, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Mon frère, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Jusqu'à ce soir, Dieu baptise du Saint-Esprit. Et c'est notre promesse. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez qu'il est pour vous, Dieu va vous le donner. C'est vrai. De quoi? Maintenant. Ça. Pouvons-nous aller au ciel? Et tunawezi kwenda kumbingu? Sans être membre de la véritable église du Dieu vivant? Bila kuya memba wa kanisa ya kweli ya Mungu mwenye kuwa hai? Non. Hapana. Parce que dans l'église du Dieu vivant, sababu kanisa ya Mungu mwenye kuwa hai, on n'adhère pas à cette église. Mule abajiungake tu kuile kanisa? Non. Hapana. Nous y naissons. Mule tunazalikuwa kamu. Quand vous naissez dans ce corps, wakati unazaliko mwile mwili, vous n'en sortirez jamais. Hautatoka kamu. Mais si vous adhérez, mais lakini kama unajiingiza, vous en sortirez. Utatokaka. Tu ne seras pas enlevé, hautanyanyuliwa, sans être membre de la véritable église du Dieu vivant. Bila wewe kuwa memba wa kanisa Mungu mwenye kuwa hai. C'est-à-dire sans être baptisé du Saint-Esprit. Bila kubatizwa na Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Dans Matthieu 25 au verset 3. Matthieu 25 mstari wa 3. Il est représenté par l'huile. Beko leonekani sasa wa mafuta. C'est ça l'huile de Matthieu 25. Jo mafuta ya Matthieu. Que les vierges et sages avaient dans leurs lampes. Elles avaient de l'huile. C'est le type du Saint-Esprit. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, nous trouvons deux choses. Nous trouvons l'onction et nous trouvons le scellement. Oh, que Dieu nous aide à comprendre la chose. Il est écrit dans 2 Corinthiens. C'est ça notre dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 1. Le verset 21. Et 22. Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ, na ule ekone tushikamanisha pamoja na moyo ndani ya Kristo, et qui nous a oint, na alitupaka, c'est Dieu, ni Mungu. Ici c'est l'onction, hapa ni upako, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, ule alituchapa muri, et a mis dans nos cœurs, na aliweka ndani ya mioyo yetu, les arts de l'esprit. Ma sila yaro lézard harabuni ma arabuni yaro. C'est pourquoi mon frère, ne te contente pas seulement de l'onction. Apana kufurahia tu upako. L'onction c'est la pluie. Upako ni mvula. Elle descend sur les faux et sur les vrais. Inangukaka na pika pabaya na bazuri. Même une prostituée peut venir ici. Nous chantons. L'onction descend. Cette prostituée peut prophétiser. Elle peut même danser en esprit. Danser en esprit, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, ce n'est pas l'onction. Le plus important, c'est le scellement. Et le scellement va dans le cœur. Et pour qu'il va au cœur, il faut que dans le cœur, il y ait la parole. Parce que le Saint-Esprit vient sceller la parole. Mais s'il n'y a pas la parole en toi, il y a l'adultère, l'ivrognerie, le vol, la fumée, un frère qui fume. C'est inconcevable. Abishikirike. Fumé. Donc, on a fouta. Et il trouve un diacre. Na kuta shemaji. Il prend la fumée. Aiba katumba ko yake. Il cache dans la poche. Aneka mumufuku. C'est un manque de nouvelle naissance. Il est ni kukosa tu kuzali koma la. Pour que le Saint-Esprit scelle ton cœur. Tu rom takatifu pate kutua muri ro yako. Il faut qu'il y ait la parole. Inafazani ndani yako mkwe neno. Pour ce soir. Jua imangaribi. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki.